Chapitre 5e. Le pêcheur Tirubala. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, le vieux jardinier père de Malika grimpait dans ses cocotiers pour y cueillir des fruits. Armé de la serpe, il taillait des marches dans le tronc des arbres et s'élevait ainsi pas à pas jusqu'au bouquet de feuilles qui couronnent leurs cimes. L'air était frais et doux. Les corneilles commençaient à voltiger dans l'air, les milans secouaient la rosée de leurs ailes et le coucou noir jetait son cri qui ressemble à la plainte d'une voix humaine. Malika, étendue sur une natte, fumait nonchalamment son houka. Elle rêvait, les yeux ouverts. Montée sur le cou de son éléphant Subala, Cherumal passait près de l'enclos. Le vieux jardinier, qui le voyait venir de loin, lui fit signe d'approcher. « Il fait bon se promener à cette heure comme un raja sur le dos d'un éléphant, » dit le vieillard. « Tout métier a ses ennuis, sans parler des périls, » répondit Cherumal. « Hier encore, je l'échappais belle. »« Un caprice de Subala ?» demanda le jardinier. « Un véritable accès de colère, et qui finit mal, si Malika ne fut intervenue. Elle n'a eu qu'un mot à dire pour apaiser la méchante bête. « Vois donc l'étrange fille, » s'écria le vieillard. « Avoue, Cherumal, qu'il n'y a pas dans tout le Travancore une créature comparable à celle-là. »« C'est vrai, » répliqua le Mahou en soupirant. « Elle a un regard et une voix qui charment les hommes et les animaux. On répète partout qu'elle possède les formules magiques. « Vraiment ? Et qui les lui aurait enseignées ? Ce n'est pas moi, Mahou, car en vérité, je ne suis point un sorcier. »« Ni moi non plus, » dit naïvement Cherumal. « Hier, j'étais si troublé que je ne lui ai pas adressé une parole de remerciement pour le service qu'elle m'a rendu. Ce n'est pas par des discours, c'est par des actions que je voudrais lui témoigner ma reconnaissance. En attendant que je m'acquitte envers Malika, remettez-lui ce petit présent, le seul joyau que m'ait légué en mourant ma pauvre mère. » Il présenta à l'extrémité de son crochet de fer un collier de corail que le vieillard, en se penchant vers lui, saisit du haut de l'arbre. « Tu as bon cœur, mon fils, » dit le vieux jardinier d'une voix affectueuse. « Malika te saura gré de ce cadeau. »« Oh non, » répondit le Mahou, « elle ne m'aime point. Pourvu qu'elle garde ce collier et ne me le renvoie pas, je serai satisfait. Dites-lui, mon père, que je ne l'importunerai plus de mes visites. Mais si jamais la présence du pauvre Mahou cessait de lui être désagréable, qu'elle suspende ce collier autour de son cou et j'oublierai ce qu'elle m'a fait souffrir. » Le vieillard entendit à peine ces dernières paroles. Il regardait avec étonnement le Mahou qui s'éloignait lentement après avoir promis de ne plus revenir. Cherumal regagna les bords du canal où l'appelaient ses travaux accoutumés. Tout près de là, sur le bord de la mer, les deux pêcheurs qui avaient passé la nuit dans leur pirogue prenaient leur repas du matin. « Quand retournerons-nous à la pêche ?» demanda Tirupati à son frère. « J'aimerais étrenner des filets neufs. » « Tant que ce maudit Bagheera est en rade d'Alep, il me semble qu'une affaire importante nous retient ici, » répondit Tirubala. « N'avons-nous pas deux comptes à régler avec le Nakoda, l'un pour le mal qu'il nous a fait et l'autre pour le mal que nous n'avons pas pu lui faire ?»« Vois donc comme les goélands voltigent en criant au-dessus des vagues, » répliqua Tirupati. « Il y a là-bas des bancs de poissons. » « Regardons plutôt le Nakoda qui vient à terre dans son canot, couché sur un tapis comme un nawab. Il a l'air de nous narguer. »« C'est lui ?» demanda Tirupati. « En ce cas, je me sauve. »« Moi, je reste, » dit Tirubala. Il resta en effet. Quand le Nakoda, débarqué sur le sable, se fut achemi vers la ville, le pêcheur aborda les gens du Bagheera avec de très humbles selam. Reconnaissant parmi les matelots arabes celui qui avait fait chavirer la pirogue le jour de l'arrivée, il lui prit affectueusement la main. « Que me veux-tu ? » demanda l'arabe en souriant. « C'est moi qui t'ai fait faire un plongeon. »« Bah, c'était pour rire, » répondit Tirubala. « Votre Nakoda nous a généreusement indemnisés. L'hindou n'a pas de rancune. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis à votre service. »« Nous n'avons plus besoin de rien, » dit le matelot. « Demain soir, nous partons avec la brise de terre. »« Déjà ?» fit Tirubala en levant les mains au ciel. Le Nakoda est pressé de mettre à la voile. Sa cargaison est prête, et il apparaît sa cabine comme la tente d'un cheikh. Il faut qu'il ait trouvé Alep un oiseau rare pour lui avoir arrangé une si belle cage. Ce sont là des affaires qui ne regardent point de pauvres pêcheurs comme nous, dit Tirubala avec indifférence. Que la mer vous soit douce et les vents favorables. Allah Hafiz, Dieu vous garde, répliqua le matelot, et il courut rejoindre ses camarades tout en se moquant de l'hindou qui semblait par son humilité lui demander pardon de l'injure reçue. Tirupati se rapprocha de son frère dès qu'il le vit seul. « Viens donc, lui dit Tirubala, as-tu encore peur? Je te pardonne ta poltronnerie de l'autre jour, mais à condition que tu me seconderas dans le projet que je médite. Si tu veux m'aider, je te conterai cela demain. Attends-moi ici. » Le rusé pêcheur alla trouver Cherumal, qui s'occupait honnêtement de son travail. Il guetta pendant plus d'une heure l'occasion de lui parler à l'écart. Enfin, le Mahou ayant conduit son éléphant dans le bois où il avait coutume de lui donner sa nourriture, Tirubala vint s'asseoir à ses côtés. « Tu as là un bel animal. Après celui d'Elephanta, et qui est de pierre encore, c'est le plus grand que j'ai jamais vu. » À ce compliment banal qu'on lui avait si souvent adressé, Cherumal ne tourna pas même la tête. Il grattait avec son crochet de fer le dos rugueux de l'éléphant qui paraissait prendre plaisir à ce genre de caresse. Dans le bazar, on ne parle aujourd'hui que de Subala et de son Mahou, continua le pêcheur. « Sais-tu bien ce qu'on dit encore ?»« Je n'ai pas le temps de m'en informer, » répondit Cherumal, qui, comme tous les travailleurs consciencieux, avait horreur des causeurs oisifs. « Ni moi non plus, » dit Tirubala. « Je n'ai pas trop de travail de toute la journée pour gagner ma vie. Si je quitte ma pirogue pour venir te parler, c'est qu'il s'agit de ton intérêt, Cherumal. » « Les propos de bazar ne sont que de vaines paroles, bien sot qui les prend au sérieux, » dit le Mahou. « Qui sait ? Si je te donnais un moyen de rendre service à la belle fille qui t'a sauvé hier d'un mauvais pas, m'écouterais-tu ? » ?»« Bon, » dit Cherumal, « elle n'a guère besoin de moi. » »« En ce cas, au revoir, » répliqua Tirubala. « Je ne perdrai pas mon temps à faire tes affaires malgré toi. Pauvre Malika, il ne tenait qu'à toi de la sauver. » »« La sauver ? De quoi ?» demanda Cherumal avec impétuosité. « Est-ce elle qui t'envoie ? Viens-tu de la part de son père ? Qui es-tu ? Je ne connais pas même ton nom. Comment veux-tu que je te croie ? » ?»« Tu n'as pas besoin de croire à mes paroles, » reprit le pêcheur. « Il te suffira d'en croire tes yeux. Tiens-toi aujourd'hui et demain, à l'heure où le soleil se couche, aux abords du jardin de Malika, et tu verras si ta présence peut lui être utile. » Cherumal écoutait encore de ses deux oreilles, mais Tirubala avait disparu. Le Mahou ne comprenait point le sens de ce vague discours et se défiait du pêcheur. Celui-ci n'en avait pas dit davantage parce qu'il entrait dans ses projets de laisser aller les choses aussi loin que possible. En proie à une inquiétude qu'il ne pouvait maîtriser, Cherumal rôda le soir même autour du jardin de Malika et ne découvrit rien qui justifiât ses alarmes. Tout en se promettant de revenir le lendemain, il persistait à croire que le pêcheur se raillait de sa simplicité. Cependant, Malika courait un danger réel, celui de tomber dans les filets que lui tendait le nakoda Yusuf Ali. Ce jour-là même, l'arabe se rendit au jardin de la jeune fille, non à l'heure de midi comme il avait coutume de le faire, mais le soir. Malika fut d'autant plus charmée de le voir qu'elle s'inquiétait déjà de son absence. Elle se précipita vers lui dès qu'elle l'entendit venir. Dans son ignorance, elle aimait sincèrement cet étranger qui la comblait de cadeaux. Il lui semblait qu'il était plus digne d'affection et meilleur que tous les autres hommes qu'elle avait rencontrés, par cela seul qu'il était plus beau et mieux vêtu. Qu'était auprès de lui le pauvre Mahou Cherumal avec son turban de mousseline et la pièce de cotonnade blanche dans laquelle il s'enveloppait comme dans un linceul pour dormir à l'ombre des palmiers? Aucun prestige, ni celui de la richesse, ni celui de l'inconnu, n'entourait à ses yeux l'hindou qu'elle s'était accoutumée à voir si humble devant elle. Celui-ci se fut jeté dans le feu pour l'en tirer. Malika le savait bien, et elle dédaignait le dévouement d'un cœur fidèle et soumis qui ne demandait qu'à obéir. Yusuf, au contraire, avait dans son regard et dans toutes ses manières la fierté qui naît de l'audace et de l'habitude du commandement. Hardi et prudent à la fois, il se glissa près de Malika et lui dit d'une voix ferme « Je pars demain. » La jeune fille se troubla à ces paroles inattendues. Yusuf continua. « Je pars demain. Veux-tu me suivre ? Tu seras reine dans ma maison de Mascate, qui est un palais auprès de ta chétive cabane. 10 esclaves obéiront à toutes tes volontés. N'as-tu pas entendu parler de l'Arabie, de son heureux climat ? Si tu voyais quelle demeure j'ai préparée pour toi dans mon navire ? » « Et mon père ? » demanda Malika, qui voulait paraître résister encore aux illusions contre lesquelles il ne lui restait plus assez de force pour lutter. Ton père viendra te rejoindre si tu le veux. L'an prochain, à mon premier voyage, je te l'amènerai, ou bien, si tu le préfères, tu viendras le chercher toi-même. Demain, Malika, demain soir, tu seras prête à partir ? Demain soir ? Répondit Malika. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu plus tôt ? Partir pour un pays lointain, inconnu ? Il faut que je retourne à bord, répliqua l'arabe. Je n'ai pas une minute à perdre. Demain soir, au coucher du soleil, je serai ici, répond Malika, ajouta-t-il d'un ton plus doux. Faut-il que je vienne ? Viens, dit tout bas la jeune fille, et il s'éloigna en se répétant à lui-même. Je la tiens.